la vie quotidienne. C'est l'ennui, le désœuvrement, la routine, enfin, on essaie de passer le temps entre nous, on se remonte le moral, on se raconte des histoires. Le rap mon parachute, ma guerre, mon combat, ma lutte, au milieu des Judas et des putes, moi et ma clique de chiens en rude, condamnés depuis des années, à opérer dans l'obscurité, lorsque les potes je viens d'éclipser. Dis-toi que j'ai écrit ce texte après une GAP, le cerveau saoulé et les serpents sont lassés. Et là, c'est que le marché soit infiltré, laisse-moi m'incruster, rime scalpel pour vous disséquer. Je remercie Dieu de ne pas dormir dehors, de ne pas être niqué par l'argent ni par la quête de l'or. Je respecte la rue qu'à cotiller, c'est la demeure. Aucun support, aucun soutien, la mort comme seul repère. Mentir aux miens, c'est comme shooter leurs artères. Y'a déjà assez de dames qui tombent dans les blocs de pierre, assez de coques qui tombent dans les ministères. Des putes à foison, quand ton nom s'éclaire, compte sur toi se braque la lumière. Mais dans cette fourmilière, très peu des miens se libèrent. Enchaînés esclaves sur les dents, se resserre. Mon plume ne sert à rien, la cité que me foncer comme les terres. Oh, et c'est bigger, si tu veux quoi. Du vrai son, des vrais vibes, on veut ça. Pour nous franchir nos mifa, tu veux quoi. Notoriété et respect, c'est comme ça. Quand tous les coups ramènent en bas, on dit quoi. Gardez l'espoir, pour nous le temps parlera. Répète ça, le temps parlera. Répète ça, pour nous le temps parlera. Sombre poésie, soit prophétie. Trop de wack MC, les faux restent en sursis. Ainsi que votre industrie, tu vas le vrai surgir. Tu vas le vrai agir, tu vas le vrai puni. Je fais plus de bruit que le métal le plus heavy. Combien de fois j'ai pu te dire mais t'as toujours rien compris. Kill the beat comme les Shaolin MC. Pas de toutes ces squats, le soldat insoumis. Laissez-moi avancer, vos chats sont les squats. Tout comme les dance floors des boîtes. Nigga what? Murderer. Autour de chez WAM, autour de chez Watt. Je respire l'air du périph' et je fume mes textes qui craquent. Ça craque dans les blocs, on vit une sale époque. Je complote, fiston, c'est du lyrics taillé dans le béton. Texte écrit à la crinon. Un délit pile sur le macadam. Entre plaisir et drame, tragédie et charme. Je suis les cinq races compilées dans une seule arme. La rue nous regarde, donc on monte en grade. Au niveau hit parade. Et si on nous enferme, t'inquiète, on s'évade. Pour nos b-boys et b-girls, si tu veux quoi. Du vrai son, du vrai vibes, on veut ça. Pour nos franches et nos mifa, tu veux quoi. Notoriété et respect, c'est comme ça. Tous les coups cramés d'en bas, on dit quoi. Gardez l'espoir, pour nous le temps parlera. Répète ça, le temps parlera. Répète ça, pour nous le temps parlera. Asphyxié par la fumée, rap tactique. Sous un ciel pollué, rap prolifique. Quand je me fais contrôler, rap stratégique. J'adopte la lucidité de théorie cosmique. Pris du plus de billets ou Dieu, la con coule un peu, l'argent tu en veux. Et même plus respectueux. Les gens anciens sont à effacer aujourd'hui. Business, maison de disques et sac de monnaie. Monnayer sa dose verbale devient vital. Dans un monde où l'argent prend la place du mental. Mathématical, le flow reste fatal. J'arrive sec sur ce beat magistral. Transcontinental, Aïtal. Walking squat attaque du style. J'rappe and roll, roll and rock. Walking the house comme les MC rockers. J'fais jumping les masses pour que les coups trouvent l'astuce. Jumping les masses pour activer le processus. J'suis une étoile, une montagne, un océan, un désert. J'suis un arbre, son écorce, sa feuille, sa sève, sa terre. J'suis aussi l'éclair qui fait tout ça part en poussière. J'suis aussi le tonnerre qui fait tout ça arrache sa mère. Pour nos b-boys, b-girls, tu veux quoi. Du vrai son, du vrai vibes, on veut ça. Pour nos proches et nos mifa, tu veux quoi. Notoriété et respect, c'est comme ça. Tous les crews cramés d'en bas, on dit quoi. Gardez l'espoir, pour nous le temps parlera. Pourquoi. Comment ils font. Comment ils font. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse être soldat. Je comprends pas qu'on kiffe planter un canif dans un autre gars. Je comprends pas qu'on tisse jusqu'à être mort vivant. Pourtant on le fait, c'est ça le pire. Et je comprends toujours pas comment ils font pour nous faire croire ça. Toujours pas comment ils font pour nous faire boire ça. Toujours pas comment ils font pour nous faire croire que c'est classe. Au point qu'on marche en boitant quand on se déplace au coin de rue. Je comprends pas comment on nous met là. On nous en croit que c'est notre territoire. On nous met là, tête sous l'eau. Comment ils font ces gens-là. Ils vont même jusqu'à faire des essais nucléaires. On en est là. Comment ils font pour qu'on dise jamais rien alors qu'on s'entretue pour la moitié de moins que rien. Comment ils font pour avoir l'air si fier après un coup de téléphone. Y'a mille hommes en civière à cause d'eux. Comment ils font les clovers pour chanter la Marseillaise. J'ai mal pour eux, j'ai mal pour ceux qui croient qu'en portant l'uniforme ça passe. Tu peux l'enlever de ta tête, tu l'enlèves pas de ta face. Ta couleur, je comprends pas qu'ils nous aient bernés. Entre nous c'est tellement froid, on dirait qu'on a tous hiberné. Avant, leur plan, je l'avais pas calculé. Faut croire que t'avances, mais tu viens de reculer. Comment ils font, hein. Comment ils font, hein. comment ils font, je comprends pas comment ils font, comment ils font, comment ils font, hein, comment ils font, hey. Comment ils font, je comprends pas comment ils font, dis-moi, comment ils font, hein, comment ils font, hey. Comment ils font, je comprends pas comment ils font, comment ils font, comment ils font, hein, comment ils font, hey. Comment ils font, je comprends pas comment ils font, je comprends pas, tu vois, je comprends pas qu'ils nous hibernent. Entre nous, c'est tellement froid, on dirait qu'on a tous hiberné. Des fois, ils font des bavures policières, mais comme on se nique tout seul, ils nous laissent faire. Entre frères, clash, ça se resserre. Ils veulent qu'on lâche l'affaire, mais ils vont pas nous la faire. À l'envers, on a flair. Je comprends pas qu'on ait mis tant de temps à capter que la vérité était loin. Et tant que temps n'a rien à foutre, tant rien et tant pis pour ceux qui t'entourent. Ils auront rien, comme toi, comme moi, si on se bouge pas. Tant que t'es pas sûr de perdre, te couche pas. Tant que les infos nous mentent, les médias nous vantent, les mérites des saloperies qui nous alimentent. Et même si on sait tous qu'ils nous mentent, c'est entre nous qu'on se plante. Comment ils font, hein, comment ils font, hey. Comment ils font, je comprends pas comment ils font, comment ils font, comment ils font, hein, comment ils font, hey. Comment ils font, je comprends pas comment ils font, dis-moi, comment ils font, hein, comment ils font, hey. Comment ils font, je comprends pas comment ils font, comment ils font, comment ils font, hein, comment ils font, hey. Comment ils font, je comprends pas comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, dis-moi, comment ils font, je comprends pas comment ils font, je comprends pas. Je comprends pas comment ils font, je comprends pas, dis-moi. MC Salia expose un pose dans le respect des MC. Les meilleurs, tes favoris, détruisent au MIC. Voici le MA possible, le feeling, l'ambiance sensibilise son esprit. Le groupe du MA attaque, décape, constate, tu vois. Le pouvoir des rimes donne de la voix, fais-le comme moi. Si tu le peux, suis la bonne direction. Le MA possible donne le ton. Si c'est introduit, c'est pour faire part du niveau de son produit. Je me promets de les appliquer correctement. Je ne fais aucun sentiment, le rap est mon élément. Pour le sud, le rap aussi redéfinit l'attitude. La positivité mène à la certitude. Le choix définitif est du plus instructif. Oh yeah. Je détiens le goût. C'est-à-dire les originaux du mal et de vitesse. J-A-Y-2-S-E. Oui, nous sommes très forts, oui, parce que le move grow up, le groove on top. Pour que les new J's plaisent à ton pote. Le S-E-U-M-O-T-O-I-T. Ah. Le M-A, le M-A, le possi, des possi. Cap des cap, tout ce que les crétins n'ont pas saisi. Le R du new, prend le lyrique, parfait. Qui aime Bigo, aime le frisson, le vrai. L'aphrodisiaque attaque du N-E-W. JMB et tous les frères du MA. Donne son top style, donne son new style, sweet. Et touche dans le MIC. Rapport de force encore. Le M approuve qu'il est d'abord le vrai corps des banlieues. J'ai le poste trop fort. J'appelle le R, le L, le I, le T, le T, le L, le E. J'y mets le S technicien qui font de ce groupe le 1. Sur P-A-R-I-S, l'UTES qui encaisse le niveau de ses pros en tristesse. N'est pas une provocation. Les principaux du MA vous font part de leur don. Est-il nécessaire que j'explique MAMWO? Hello, le prof est à 3%. ce show, les rideaux sont inégaux. Donc voici le fléau, le numéro 1 est dispo. Puis selon les règles du MA, voici le lauréat, mes exploits, sa croix, je déploie mon potentiel. V-I-R-T-U-E-L-S, you everybody, est épaulé de R-L. Gardez dans votre esprit ce beat là, guidé par les M-E-C-S du MA. L'idole des bigards, le plus redouté, t'écoutes mes rimes et tu es subjugué. Ma carrière prend une bonne direction, j'en ai la conviction et nous toujours en action. Pour atteindre leur but, le succès total, oui, le T est d'une importance capitale. S-A-L-I-H-A, reprend en solo, au top niveau du show shop de Cero. En gros, proclame le concept au micro. Aussi vainqueur par KO. Les rimes au pouvoir sont plus que dévastatrices. La seule, j'en suis, oui, j'en suis l'instructrice dans le MA. L'unité et le droit, considère cela comme la loi. Curieuse galère,

Dr. Shot, what you gonna hear? We'll make you rock. It's something like your ears. And open your eyes if you wanna rock. If you're a blind guy, listen very close to what I'm gonna say. I'm here for you, I'm a master DJ. I wanna make you roll and stomp your feet. So just stop the groove and move it to the beat. The rhythm of my thing, I want to know. I wanna be sure that you're ready to go. So get down and stop that messing around. You're running dynasty. It's in your turn. It's in your deep, deep down. When you socialize, looking at your ears and you open your eyes. Yes, yes, you're. And you don't stop. Don't stop that body rock. To fear, the beat is on and the place is here. So come on everybody and get in here, because I got the rhythm rap I want you to hear. Just break it up without a doubt, because it's guaranteed to turn it out. Just move your body around and around, so you're shaking on the floor or getting down. When you're on the floor, you're gonna beg for more, and I'll give you more. That's what you're fighting for. Rock your body and do the freak dance. The music is about to put you in a trance. Rock it, I don't stop it, because the party has just begun. So come on, if you know, get on the dance floor and let the fellas have some fun. Chicken cha-cha, chicken cha-cha, to the beach. Gonna say it's not the same. I think the fucking beat is really best. Well, if you feel it, you got the time to rest. Hip hop music is taking the world. It changed the beat, you run rock and roll. You got to go here to the future shock. It's hip hop and we make you rock. Electric boogie and breaking glass. Just watching it can put you in the trap. It's a new song, it's a very strong. Pop music is where I belong. If you're not ready, I'm going to tap, I should have gone hard, oh hard to tap. Your best. respect à mon poisson. Le caïd est un touchant quand c'est écrit dans une fable. Entre les lignes, j'ai déjà descendu 7 gueules dont 3 gendarmes. Je pourrais te dire que dans mon quartier, c'est moi qui ai le plus d'armes et que tout le monde me respecte. Car j'ai aussi les balles. Mais si là, là était ma position, je ne pense pas que j'aurais le temps de le traduire en chanson. Et si par bonheur j'arrivais à le trouver, ce serait dommage d'un jeune homme de mon âge ne saisisse pas le présage que la musique nous amène quand elle se propage. Tu as l'occasion de prendre le micro, tu es dans la position de parler à tes sœurs et tes frères. Oh, où va se diriger ton stylo? Je n'ai pas d'afro en stéréo, c'est un gringo qui jongle avec les mots. L'eau qui coule est un ruisseau, pas celle d'un caniveau. Depuis longtemps les cartouches de mon stylo sont noir, rouge, bleu. Selon la vue nerveuse qui transparaît à l'arrière, prendez la qui elle veut. C'est ta choix, devant ça fait tout le monde est roi. C'est à toi de savoir où tu veux aller mon gars. Oh, où va se diriger ton stylo? La facilité voudrait que je fasse le nigo. Un frère de plus bouffé par les machines des collabos. La mine c'est fait quand elle véhicule les stéréotypes. Trop de types aimeraient que l'on perde notre ligne de conduite. Mais le flow reste lourd, gardons comme base le tambour. L'aigle célèbre quand viennent les faux tours. Qui contrôle son stylo devrait contrôler son ego. Qui contrôle son ego ne s'envole pas pour des jeux de mots. Le vécu du stylo n'est pas toujours celui de l'écrivain. Je vois énormément de contradictions au sein des miens. 360 degrés de l'artistique à la réalité. Souvent la plume glisse sur le papier, mais après, plus rien n'est contrôlé. La plupart se rangent dans les tranchées creusées spécialement pour les néophytes de ce marché. Plus le rap vantera les louanges de la décomposition des quartiers, plus les structures en place apprécieront son phrasé. Alors fais ton choix, tu nous écoutes, je sais. Mais sache que nous aussi, nous sommes à l'écoute quand tu commences à t'exprimer. Oh, frère, oh. Va se diriger ton stylo. Va se diriger. Le ciel sera là. Tous les gens qui réfléchissent avant de parler, de prendre leur plume. Face cachée de l'eau. Elle aussi à sortir du brouillard et de la pluie. De toi, elle part. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, freestyle. Vous avez les cartes. Tawan le chawan. Vous avez un peu de chawan. Vous avez un peu de chawan. Vous avez un peu de chawan. Vous avez un peu de chawan. Vous avez un peu de chawan. Same cold world. Alors accroche-toi, ton assassin est là. Le rap devient le média. traqué par les polices de défense de l'État. Un maximum de réflexion anime cette connexion. C'est bien connu quand une chanson puis son inspiration. Dans le malaise des bas-fonds, ça devient de la formation. Et l'information n'est bonne que quand elle sert les intérêts de Babylone. C'est le duel du fond sur la forme, du crayon sur la gomme, de l'enfant face aux hommes. Alors, dans l'impalpabilité des probabilités, je donne une vision aiguisée qui n'a un sens que si on avance en suivant le balancement de chaque son qui danse. Du South Bronx jusqu'à Paris en France. Some choose to lose the life of perfection. I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection. I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection. I choose to live with the underground connection. While some choose to live the life of perfection. I choose to roll with the underground connection. Transform, roll out. Supernats about to go for another time now. I get busy with these lyrics when I'm dropping my rhymes. Don't step too swiftly, I have landmines. Embedded, hesitant to kill the government. Step into the White House, assassinate, leave no evidence. Fly, brother, straight towards the sky. Kick real hip-hop, black, it will never die. They want to take it away, don't wanna put it on a record. Don't wanna put it on wax, but I bring the facts. Ah, there's a whack b-boy in my sector. Eject tape, there will be no escape. Supernatural has come to take all the page. I freestyle, leaving MCs embarrassed. An alien has landed in Paris. So tell me, my friend, how you feel today? Look out your window, the French folk is here to stay. En effet, c'est un fait, si les rimes restent lucides, il n'y a pas de raison que le public ne reconnaisse pas le style wicked. Wicked, wicked, wicked. Quoi? Tu ne savais pas que les vents étaient là pour veiller sur les voix qui émanent du monde froid. Crois en toi avant de croire en qui que ce soit. Le micro est une arme et l'esprit est une fable. Boom, bye, bye, trop de MC sont passables. Stéréo, c'est un duo, pas une démo. Underground connection pour comprendre le niveau. L'enjeu d'association comme celle-ci. La musique unifie les esprits qui ne sont pas encore trop pourris. Sur ce, j'ai fini. While some choose to live, yo, the life of perfection. I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection. I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection. I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection. I choose to roll with the underground connection. Vous connaissez leur objectif. Ils veulent que les enfants blancs et noirs soient jetés dans le melting pot intégrationniste. Le résultat serait un conglomérat désastreux. Une race abasardie et appauvrie. Malheur à nous, car blancs et noirs seraient tous anéantis. La peur du métissage pour la sauvegarde des cultures et des coutumes. Mais personne n'envisage l'ouverture d'esprit qu'il y a dans le message. L'histoire devient plus large. Quand elle est renforcée par plusieurs cultures. Mais aurait-on peur d'une seule couleur pour le futur? Une seule couleur et des milliards de dégradés. Épaulés d'un savoir reposant sur les écrits de l'humanité. Alors comme ça, certains veulent une race pure. Les luxages sont certains comme aux jeunes, des bâtards comme aux génitures. Mais qui sont les bâtards? Ceux qui donnent à la race humaine l'occasion de se mixer et de monter à son prochain problème. Où les lucratifs remaniant les religions à des fins politiques. Prêt à tuer son frère pour l'intérêt économique. Assassin production a une autre vision des choses. Tous les hommes sur la planète doivent se battre pour la même cause. Le respect de l'homme, le respect de ceux qui nous environnent. La couleur de la peau est aléatoire quand on réalise ce que nous sommes. Mais certains le voient autrement. Se battant pour le noir, se battant pour le blanc. Se battant pour l'histoire, se battant pour une place au gouvernement. Si la manipulation de l'esprit fait rage, ils ont tous en œuvre la peur du métissage. La peur de mixer les couleurs entre mes frères et mes sœurs. La peur du métissage, selon le passé. La peur du métissage, selon l'éducation. La peur du métissage, selon l'histoire d'un peuple. Chacun a sa vision, chacun a sa vision. La peur du métissage, selon le passé. La peur du métissage, selon l'éducation. La peur du métissage, selon l'histoire d'un peuple. Chacun. Après Rocking, je vois solo. Comme nos aspects, nos têtes fermées sur le fond flow. De notre association résulte un unisson. Mélange de deux cultures, donc de deux visions. Bref, une donation de nouveaux 3B, nos auditeurs. J'ai nommé les blacks, les blancs, les beurs. Car à travers nous, les dessins extrémistes du sectarisme ne passent pas. J'ai été élevé comme ça. Il est donc logique que ma technique apologique reste un métique, dialectique, maléfique. Qui traite le métissage comme une idée hérétique. Tu racontes la notion de partage. Voilà pourquoi vieux au plancher que l'ouragan multicolore. Montant les vagues, comprend son cœur, avaler des barrières après barrières. Car en son cœur, l'amour n'a pas de frontières. Mal aux frontières, entre mes fers, bouma, bouma. Et connaissant les différents courants dans certains gouvernements, le blanc a parfois des aïamous de racisme évident. Faut que nous fassions notre terre, qu'on refuse dans la prière. Faut que l'on voit sur notre terre des tournées visions humanitaires. Quand le peuple se métisse, il peut être plus créatif. Sa vision est doublée, triplée, quadruplée, mélangée, mixée, métissée, dégradée, renforcée par le respect de chacun, des miens, des siens, de mes prochains. La fleur du métissage ne sera pas le mot de la fin. Car le mix des couleurs représente le futur pour mes frères et sœurs. La fleur du métissage, selon le passé. La fleur du métissage, selon l'éducation. La fleur du métissage, selon le choix d'un peuple. Chacun fait à sa vision, chacun à sa vision. La peur du métissage, selon le passé. La peur du métissage, selon l'éducation. La peur du métissage, selon le choix d'un peuple. Chacun fait à sa vision, chacun à sa vision. C'est encore lui et pour vous il revient. Oui je suis le mec que l'on appelle Rocking Squat. Ma poésie fuse et mes rimes matraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18ème je t'envoie cette nouvelle potion. Donc rentre dans cette rythmique des plus poétiques. Ton corps s'enflamme sur chaque base de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. L'impérial est là pour te faire danser. D'accord. Le plus hardcore de toute la partie nord. Passe et repasse puis s'évapore. Donc écoute-le, prête attention. Absorbe cette leçon, bois cette potion. Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux. Car quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. Je rentre dans ton esprit, puis j'en ressors, puis j'y reviens. Je boule tes cellules, pour moi c'est enfantin. Pourquoi? Car j'ai la formule secrète. Hey yo yo yo, chimique était ma potion funky solo mec. Car je détiens la formule secrète du style qui se reflète. Funky, funky, rocking squat star. Intelligence. Chercher à tout connaître et ne jamais rien savoir. Et le favori passe-temps des gens qui savent parler le vent. Et cette énergie gaspillée sans compter au détriment d'un sens de l'observation. Silencieux mais aiguisé me laisse penser que beaucoup d'entre vous sont encore à la recherche de la formule secrète. Yo yo, cherche, cherche la formule secrète. Cherche. Prisonnier du tempo, les mots jaillissent en cadence. Plus j'en dis et plus mon analyse avance. Et qui dit analyse dit recherche dit travail. Persévérant sur le chemin des connaissances, mais en l'absence d'obstination, d'un savoir-faire à l'épreuve de toute situation. La formule secrète reste et ne restera pour toi qu'une illusion. Mais si tu prends le vice de pousser ton style jusqu'à la suprême frénésie. Le titre, le moment où la musique, les mots s'entrechoquent, se croisent. Là où quand j'écris ces phrases, je puise l'extase. Tous tes efforts n'auront pas été vains. Car de cette putain de jouissance, tu ne sentiras plus la fin. Pourquoi? Car j'ai la formule secrète. Clairement, pour que ton esprit en registre. Je reprends la parole et fais couler mon registre. Le beat va vite, je décapite les lits pour cette raison. Ma poésie est interdite sortie de mon quartier. Car j'ai déjà tué par mes rimes les 50 connards du top. Stop, dites-moi, je vis à quelle époque? Car quand j'allume la radio sur n'importe quelle fréquence, je n'entends jamais quelque chose qui balance. Toujours des comebacks de vieilles stars fatiguées. Elles n'ont pas évolué ou même progressé. Donc suis ma voix mon garçon pour cette nouvelle dimension. Du haut de la capitale je donne une leçon gratuite. Oui tu as compris, aujourd'hui je t'invite à prendre une claque magistrale. Ceci est simplement un aperçu de mon freestyle vocal. SQUAT se compose de 5 lettres pour une et une seule formule secrète. Walking Squat attaque du style sur ce beat funky. Ma poésie t'instruit et je prends ton esprit. Puis une à une, j'imbibe tes cellules, ton esprit brûle. Puis j'augmente le volume en insérant dedans ma toute nouvelle formule. Laquelle? Ma formule secrète. Yo, j'ai la formule secrète du style qui se reflète. Je crois que celle-là était bien funky, yo. Une seule formule pour toute une planète. Mon succès je fête pendant que tu bats en retraite. Car mon alchimie s'avère trop puissante. J'empoigne le micro et je le plante dans mes veines. Puis je monte sur scène et là je commence. Je démontre ma science car le Nord attaque une fois de plus en rafale. Pour faire valoir sa puissance musicale. Ouvre les vannes, rassemble tes pensées. Imagine ce que j'ai pu maîtriser grâce à ma volonté. Prête à tout ébranler, je suis un battant. J'économise le temps, le transformant en argent que je dépense facilement au gré des vents. Et pour ça, je n'ai que trois ingrédients. Le Mistral, mon micro et ma formule secrète. Wow, P à mon homeboy Fly D. Vincent, Crazy Boys in the house. Cool Chain, Joy Star, DJ S. Yeah, au NTM et le 18ème. Peace, peace. Maître de la rime urbaine, Claude MC t'interpelle. Danse avec moi, danse avec lui, danse aussi avec elle. Danse dans une transe intense et poursuit la cadence. Montre à toutes les personnes ta valeur, ta puissance. Le rap a une valeur, sans qu'on les dollars. Car j'en ai besoin le matin, le midi et puis le soir. Le rap est liquide, fluide et si tu veux en boire, garçon, un coca cola. Les salauds salissent solar, cela me lasse. Mais laisse, s'ils font cela, c'est qu'ils sont en état de détresse. La plupart du temps, ils ne sont pas à la hauteur. De véritables tchatcheurs, de beaux parleurs qui parlent de personnes qu'ils ne connaissent même pas. Un seul exemple, ils parlent de moi. Ils tirent des conclusions mais ils n'ont pas eu de bol. Je n'ai pas le temps de jouer avec ces guignols. Les salauds salissent solar, cela me lasse. Mais laisse-les salir solar sur ce salut. Lorsqu'on parle de l'histoire de l'art, il faut rendre à solar ce qui appartient à solar, est-ce clair? Il y a eu les Oscars, il y a eu les Césars. Pour les très bons rappeurs, je crois que je donnerai des solars. Solar de la rime, pas solar de la fume. Histoire de dire et de prouver que ce style extermine. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui viole une meuf, se fait serrer par les keufs. Alors, un seul conseil, suivre le bon rail. Pour ne pas faire partie des gens que l'on appelle racailles. Les salauds salissent solar, cela me lasse. Mais laisse-les salir solar sur ce salut. Lorsqu'on parle de l'histoire de l'art, il faut rendre à solar ce qui appartient à solar, est-ce clair? Le mot est faible lorsqu'on les appelle soccer. Ils nous voient notre style. style ainsi que nos rimes. Aucune énergie dépensée ne connaissent que la frime. Faut les stopper car ils le sens est dans un art. Impossible, inaccessible pour tous ces tocards. Ils se situent généralement oui en queue de peloton. Voilà pourquoi j'affirme ce soir que ce sont des bidons. Ils sont pas pompiers, encore moins chanteurs. Va pas dire que c'est des rappeurs car ce sont des pompeurs, des maîtres copieurs. Sunny MC approuve. Les salauds salissent Solar, cela me lasse, mais laisse salir Solar sur ce salut. Lorsqu'on parle de l'histoire de l'art, il faut rendre à Solar ce qui appartient à Solar, est-ce clair? Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est louqué à la lutte. Il lutte, propre comme un archiduc, on peut ça me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il souhaite des époques les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se barre, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Duke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit téléchité baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. nouveau western. Sitting Bull, Koshi, Calamity Jane, Jen, West, West, Jen, Jen, Les Squaws, Les Scales, Tomahawk, Tomahawk, Tomahawk, le nouveau western. L'ex de mon ex n'est pas Tex ni Mexicain. C'est un mec honnête, net, poussé par le bien. Bien entendu, il se place avec classe, s'efface et fait surface. Tout se passe par passe-passe. Passe-moi le mic et capte ces mots. Qui sème le vent récolte le tempo. Mon cerveau est pour mon stylo le moteur. Paix au système des respects à MacGyver. Quand avec une allumette il fait un catamaran. C'est marrant et je ris comme Fanny Ardant. Occasionnellement pourtant mon pic se bat avec l'art subtil du prose combat. Cette fois, le ciel est beau, je squatte en solo sur un banc public près de Campo Formio. Je pense à l'SOS, issu de mon esprit. Allô, papa, Tango, Charlie, le père de celle qui partage un mandol au pilo. Avec les idées proches de celle de JM, le stylo. Hostile à mon style, j'ai filé, passé composé pour créer le plus que parfait. Elle suit son chemin, je suis le chemin. Tous les chemins mènent à l'homme, dit le parchemin. Le papa gaga a pour dada, déteste caca. L'art sonné au dada fait du prose combat. Je cherche de nouveaux axes, fax. Moi t'es news, occupe-toi bien de ton épouse. sur la pelouse. Témoin d'un instant, je faufilant entre les filaments lumineux d'un film décevant avec en arrière-plan des figurants adhérents à la paranoïa ambiante. Je prends la mic et ma combinaison d'amiante. Glisse dans la fente, devient un film d'épouvante. Serpente, entre les cuisses des débutantes, j'alimente avec mon joue la réflexion du dessous. Check nos interviews, la pêche doit me te secouer. Non, je ne vois pas flou. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te froisser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi, t'es vex. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te froisser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi, t'es vex. C'est un peu comme un mammouth, on écrase ce que tu coûtes, coûte que coûte. On t'écoute, pas de doute, tu redoutes sûr. Tu fais fausse route, on défonce comme à Beyrouth. La phobie a de mon œil saisi l'action, l'affiche m'enregistre. À l'inverse des ministres, amène des vibes dans un climat sinistre. Tu fais mon linguiste, twist sur la piste. Le vocaliste insiste comme le feraient les grévistes. La position de chacun est propre à sa condition. L'écriture est comme un hameçon à la recherche d'une réflexion. M'envoie à toi-même, tu verras où ça mène. Le dilemme d'une personne concerne celui que ça imprègne. Prends ça comme une peigne. Attention, attention, ton oreille saigne. L'être humain juge très vite, comprend lentement. S'énerve facilement et perd vite ses facultés d'enfant. Que me reste-t-il à part d'acheter ma feuille d'encre? J'étais bien mieux fœtus dans le liquide nuptial du ventre. Aujourd'hui je suis matière, physique, vivante. La création focalise l'hostilité ambiante. L'être lumineux se retire et vous laisse seul sur le seuil. Avec entre les mains un recueil de poèmes pour apprendre à dominer son orgueil. Et enfin voyager dans la transparence d'une feuille. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te froisser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi, t'es vex. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te froisser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi, t'es vex. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te froisser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi, t'es vex. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te froisser ton cortex. Je suis le témoin. pas c'était si grand. Ma sœur aînée, il a fallu déménager. Maman, moi, elle cherche et travaille pour nous manger. Mettre la main à la pâte pour qu'on soit décemment habillé. Black mama, pour préserver notre dignité. Prof, mais poli et prof, c'est pour ça qu'elle se battait. Elle se battait pour que sa couleur soit pas salie. Elle savait, là-bas c'était la thermie, ici le racisme jouait. On jouait avec des mômes qui nous insultaient, je me battais. C'est là que j'ai pris conscience de la couleur que j'avais. Je sais où sont mes souches. Je les touche du doigt, réminiscence quand je me couche. Les saveurs, les parfums de mon île me donnent l'eau à la bouche. Carlouche négro, déformation du fait de la promiscuité. Péjoratif des jeunes, produits de cité. Souvent obligé de comparaître à cité. Mes parents sont un jour promis de quitter. Sinit délinquant à fort taux de criminalité. Fracture familiale, un des gosses tombe dans le fossé. Je suis pas offensé, on a connu l'adversité. Des siècles, nég t'es nég et puis fierté à mon nég. Quand j'ai laissé ma cité, c'est là que j'ai vu l'effet. Ça fait d'être en minorité avant, je me fondais dans la masse. Dans la aujourd'hui, masse. Les seuls noirs que je croise ramassent la crasse. Plus que jamais, je reste fier de ma race. Oussa, qui j'en s'arrête pour nous. Black mama, c'est moi, c'est où les Subaru. Oussa, oussa, les Antilles, c'est pas Trino. Black mama, c'est moi, c'est où les Subaru. Oussa, oussa, qui j'en s'arrête pour nous. Black mama, c'est moi, c'est où les Subaru. Oussa, oussa, les Antilles, c'est pas Trino. Black mama, c'est moi, c'est où les Subaru. La tâche qui me revient comme ma mère. Pas en sens interdit. Qu'elle sache qu'on peut camoufler tout ce qu'il en est dit. Qu'elle garde ses rêves d'enfant aussi longtemps que c'est permis. J'ai grandi en ayant conscience de toute notre misère. J'ai perdu l'innocence de l'enfance, pourtant c'est clair. Pas à pas assurer son chemin, ouais. J'y tiens, viens, ouais. Viens bâtir une voie pour la qui des loin. Et je veux qu'elle sache tolérer ce mélange qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est l'avenir, nouvelle forme qui renaît. Mélanine a s'est mélangée pour pouvoir déranger. Ça a toujours dérangé, c'est une force d'être métissée. C'est ce qui fait évoluer toute mentalité. Mentalité à mon blanc, mentalité à mon ouais. Au jeu d'échecs, la vie, mon pion, la reine noire. Black mama, échec et mat, à moi la victoire. Oussa, oussa, qui j'en s'arrête pour nous. Black mama, c'est moi, c'est où les Subaru. Oussa, oussa, les Antilles, c'est pas Trino. Black mama, c'est moi, c'est où respect pour nous. Oussa, oussa, qui j'en s'arrête pour nous. Black mama, c'est moi, c'est où les Subaru. Oussa, oussa, les Antilles, c'est pas Trino. Black mama, c'est moi, c'est où respect pour nous. Si pige dans la tambouille, à gamberger comme le bioc que je suis. Réflexion, y'en a trop jusqu'ici. Détruire, ça semble roussir, construire. Y'a pas de soucis, tonton. Déterminé à faire fond, sans tergiverser comme à la maison. On s'emballe. Ça déstabilise rarement à court, malgré les tirs. Pas de garde-fou, peut-être qu'on se gourre. Mais autant tenir jusqu'au bout. C'est dépendre des décisionnaires ou payer sa liberté chère. Choisis. C'est le combat toute une vie, et crois-nous, y'a de quoi faire. Jeune apprenti dans bien des matières. Notre fond de commerce, tonton, ces notes sont pas nos misères. Eldon, défile le parcours. Ouais, chacun dans sa propre école. Des passionnés dans l'autodiscipline, la découverte de soi, des autres, pour bâtir du solide sur les ruines. Des brouillardistes déployés. Détruire et développer. Défendre et désobéir. Digne et droit quand les rats quittent le navire. Des brouillardistes déployés. Détruire et développer. défendre, c'est désobéir. Dis-nous droit quand les rats quittent le navire. Comment procéder? L'envie nous a possédé, rien à concéder. On reste décidé, en décédant pas, on peut tous dériver. Diminuer, on n'a rien demandé, parce que tous méritent. Défendre, JP, souvent c'est dérangé. Notre génération monte ses barrières et se vante après de les défoncer. Monde à l'envers. Mais tonton vieillit, on doit des comptes à la famille, pas au caniveau, tu me suis. Trapahutant comme Daredevil dans le Téléb. Pas besoin de look-up pour avancer dans le tunnel. Habitué les embûches, des caloutés fiottes et raclos plein de rimel. Authentique, pas de salamalek, la dalle plus forte que le danger est d'aider. Accompagné de mille antipersonnels, défoncer les lourdes et sans se courber. Dégobillé sur tapis rouge et tronche baissée. Humble, même blase pas modeste. C'est plus du clash, ça devient un test. Rouston vissé, c'est pas les leurs que je viendrai lécher. Le déclic se dissimule là où je pense. Divulguer sans détour la connivence. Pas dissident, pas accident, va savoir de quoi on se contente. Comment se fait le mélange déferlante sur un comme sur 12 tracks. C'est DD, bien sûr on s'y attache. Dehors ça boit des désastres, on se plante, on remet ça. Désarmé, on désespère pas. Dispersion ne mène nulle part. La situation peut sembler délicate. Parfois dans le dépit, en temps de dépression, à temps vouloir relever le défi, on précipite les décisions et les belles intentions tournées en dérision. Pas vrai tonton? Hey dude, on défile le parcours. Chacun dans sa propre école. Des passionnés dans l'autodiscipline, la découverte de soi, des autres, pour bâtir du solide sur des ruines. Des bouillardises déployées. Détruire et développer. Défendre, c'est désobéir. Digne et droit quand les rats quittent le navire. Des brouillardises déployées. Détruire et développer. Défendre, c'est désobéir. Digne et droit quand les rats quittent le navire. Si le contexte reste le meilleur prétexte au manque de recul qui rend la communication complexe, veillons à ce que nos progrès n'effacent pas son fondement. Être libre, ce qui justifie l'affrontement. Comme un iceberg, tu vois le goulot et pas le fond. C'est rue barbare et sans calfon. À coups de sang, sueur, feu et larmes, on l'a monté, pas de rancœur. C'est pour exister, dans ma gueule j'ai trop marché. Les arpions en flammes, je dérape et je rétale trop souvent. Dédé, c'est pas le couvent, déboule et pas en rampant. Quand désobéir vient te voir, planque-toi aux fenêtres. En carambouille, cavale les foires sur les mouchoirs, pas d'illusoire. Un collectif au service des gus, tu peux te pincer, on est sur la voie lactée. Dans notre fonce, on est soudés comme les tifs de mon chibre. Dédé, cœur dur des grands dallos, dardard les pieds dans l'eau. Comme s'il fallait que ça, le combat on le mène. Aucun accolage, nos bricoles de côté. Même si la route est longue, la démarche nous est propre. On prémédite pas mal, jamais on se débine. Devine un peu ce qui nous anime. Dédé, tous unanimes, habitués à ne pas faiblir. Et à chacun d'en tirer les conséquences. À chacun de respecter ou pas sa chance. Quand on t'accepte tel que tu es, et que les tiens font le miroir où tu découvres petit à petit qui tu es. La mise en question prouve qui tu es. Elle est un devoir, enfin, selon qui tu es. De toute façon, ton phrase qui te plaît, ça seul ton orgueil sait, mais... Hey dude, on définit le parcours. Chacun dans sa propre école. Des passionnés dans l'autodiscipline, la découverte de soi, des autres. Pour bâtir du solide sur des ruines. Des brouillardises déployées. Détruire et développer. Défendre et désobéir. Digne et droit quand les rats quittent le navire. Débrouillardise déployée. Détruire et développer. Défendre c'est désobéir. Digne et droit quand les rats quittent le navire. Sympa, ils veulent me fatiguer, je suis pas né pour ça. Moi je préfère danser. Alors je téléphone à ma petite amie pour lui demander que veux-tu ce soir baby. J'ai envie de bouger, si tu veux je t'emmène. On va se défoncer, scapier pour l'équilibre. En allant simplement danser le break it. Because the break dance, on marche dance. De peau, elle était déjà là. La sonnette qui sonne, les volets qui claquent. Je casse le son de mon petit transistor. Je m'en vais tout de suite lui ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que je vois, son corps qui frise. Elle frise, elle frise, elle frise encore. Elle casse, elle casse, elle casse toujours. Elle frise, elle frise, elle frise encore. Elle casse, elle casse, elle casse toujours. Because of break dance, of magic dance. Madame Dutch qui break nous dépose devant le swing club. Bad de jeune ambiance américaine. Il n'en faut pas plus pour que la nuit soit super. Car les zoulous ce soir seront funkés. Parce que le break dance c'est magic dance. On rentre là dedans, c'est fresh. Tenue de breaker, lunettes de chat. L'esprit zoulou sur le break dance. Je sens déjà le sol qui tremble sous mes pieds. Je ne me contente plus, j'ai plus de volonté. Et mon corps s'électrise et il se robotise. Because of break dance, a magic dance. Break, magic dance, baby. Break, magic dance. Ah, come on, yo. Break, magic dance, baby. Break, magic dance, so funky. Break, c'est ta vie, j'ai plus tellement envie. Tu dois être malade, mais moi je te guéris. Je te touche, t'électrise et je te robotise. Because of break dance. So much of death, electric boogie. Freeze, freeze, freeze dance. Electric. Freeze, freeze, freeze dance. The break. Freeze, freeze, freeze dance. Robotic. Freeze, freeze, freeze dance. Attention. Say break, match dancing. Break, match dancing. Say break, funky dancing. Wake, mash, dance. Say wake, funky dancing. Wake, funky dancing. Fuck a bee, fuck a bee, on the beat. Fuck a bee, fuck a bee, on the beat. Musique frénétique, ton corps est déchaîné. Tu sens déjà le sol qui tremble sous tes pieds. Alors est-ce que tu viens pour le magic dance? Car moi je te promets une nuit férie. Une nuit à ne pas oublier. Because of break dance, of magic dance. J'entends, elle me demande comment ça va le break fou. Moi je réponds ha ha ha, I am alright for dancing. Because of break dance, I am alright for dancing. Because of break dance. Bi bi bi à comment yo. Bi bi bi en deux bi. Bi bi bi so funky bi. Bi bi bi en deux bi. Break, march, dance, baby. Get back. La drogue de la harissa débarque pour qu'il asmer. L'ascaray alias tirando cri. Que la sauce est dans la boîte, la compite dans les bacs. Accapare-toi mon chef d'œuvre, ma consécration. Le piment t'assure que t'en auras pour ton pognon. J'ai tous les disquaires, les deux maîtres de la rime tranchant. Affiné tel le logo couleur ferraille. Plaqué sur mes CD, pas de feuille dans nos vocaux vociférés dans la technique de nos lâchers. Et les cocktails de son coco, t'es pas mon frère ou pas ta taco. Sans aucun doute, le hip-hop est notre galaxie, laquelle tient dans nos phrases. Écoute ça, mon chéri, pense à mon public. Placé du rap des MC comiques qui panique en apprenant l'arrivée de la sauce qui pique de Portos. Bientôt l'album, les deux Gettons. Prêt à rivaliser les mecs de la France Bob. Bientôt l'album, les deux Gettons. Get les bacs, l'album de la Harissa débarque. Bientôt l'album, les deux Gettons. Prêt à rivaliser les mecs de la France Bob. Bientôt l'album, les deux Gettons. Get les bacs, l'album de la Harissa débarque. La sauce évolue, les deux guettes collectionnent les riffs, les miskineries, les zoulouteries, des trucs, des équipes font conneries. Je n'ai pas le temps de jouer à ces conneries de qualité. Une autre éthique du bureau rose, les portes classées, numéro 1, c'est bon. Le public vote, les taux sur la cote. La qualité, c'est le truc qui fait de la harissa, c'est pas de la merde qui reste collée au fondage. Y'a t'as dit, c'est qui en est. Dédé, sans te jeter, ne loupe pas la force de frappe, de putain de portugais à vague. Donc cette bombe, c'est de la dynamite. Avec les défis qui piquent, les casse les buts critiques, le bout de ma langue excite les putes qui flippent et tu dis mon lâcher en cachette. Bientôt l'album, les deux Gettons. Prêt à rivaliser les mecs de la France Bob. Bientôt l'album, les deux Gettons. Get les bacs, l'album de la Harissa débarque. Bientôt l'album, les deux Gettons. Prêt à rivaliser les mecs de la France Bob. Bientôt l'album, les deux Gettons. Get les bacs, l'album de la Harissa débarque. Ça se passe à Vitry-sur-Seine. Truc de fou. Truc de dingue là où les soirs c'est la même. On parle d'argent et de flingue. Les grandes gueules de Cam et Broodstar. S'adresse aux banlieusards. 9-8, on fait main basse sur les clés du pouvoir. Contrebande d'alcool pour fournir les députés qui picolent. Et avec les célébrités, on passera des nuits folles. Les juges bosseront pour nous. Et on sortira nos frères de tôle. On va tout rafler, ça y est, fini, squatter les halls. Maison de scud, c'est bon. Au nom de la centrale production, je fais croupier les mondes du quartier. Ils ne connaissent rien dans le son. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, mon bureau. Moi, secrétaire. Et dès que je galère, j'appelle mes potes pour fumer de la BR. Du bédo, de la BR. Et des dealers en masse. Sur toutes les places. Compte popo, afghan et taille grasse. Et si la bague passe, donne-leur un bon 10 sacs. Ne compte plus pour être tranquille, faut leur graisser la patte. J'ai décidé de prendre des vacances. Faire le tour de la France. Abusé en hôtel casino, sans me soucier de mes dépenses. Je côtoie des bourgeois, femme d'inspecteur, fille d'avocat, garde du corps dans le dos. Si tu m'approches, dépense même pas. On contrôle les quartiers, les boîtes, les restaurants. Partout on fait la bringue. Et on lance sur le marché des grosses voitures de dingue. On s'en fait plus pour la famille, on paye au pays. Je suis devenu tellement big que je pourrais finir mère de Vitry. C'est un truc de fou, de dingue, de psychopathe. On règne dans le monde entier. Et les putes sont à nos pas. Fini la galère, je m'inquiète plus pour mes affaires judiciaires. Avec mes frères, on se prépare à un avenir prospère. On rosse les mecs du Front National à coups de crosse. À coups de crosse. Et puis le premier qui s'en mêle, on désosse. Que des trucs de fou. Dans une France atroce, faut rétablir la peine de mort pour les traves. Et les pointeurs de gosses. C'est fou, pas des faux trucs de faux zoulous. Des trucs de terre, des psychopathes, rien à trop fou. Les barges, c'est nous, le 113 au rendez-vous. Faites attention, préparez-vous. Des trucs de fou, pas des faux trucs de faux zoulous. Des trucs de terre, des psychopathes, rien à trop fou. Les barges, c'est nous, le basta au rendez-vous. Ne l'ont pas. Moi je fais partie des gens qui posent gros problèmes à l'état. Et je me fais plaisir, je dénonce et viole leurs lois. Je monte du doigt les imposteurs. Ils font de l'argent derrière moi. Et on fera des révélations dans tous les médias. Des putains de scandales qui inquiéteront tous les chefs d'état. On a décidé de faire tomber tous les hauts placés. Ainsi que tous les escrocs qui sont en planque à l'Elysée. Jusqu'à la Maison Blanche, en passant par Hollywood. Je serai mais sans vanter mes traces. À la ghetto you. Puisque la vie est hardcore, je suis sans gêne ni remords. Et là je me loue sur l'armée. Qui les crèveront comme des porcs. Et des cracks boursiers, de Wall Street à Tokyo. Corruption, extorsion de fonds. En bref le magot. Je ferai écrire Wahed Wahed l'état. Sur tous les lingots. Et à nos yeux le plus riche de France sera qu'un vulgaire toxico. Le borgne en premier. Et on s'occupera du reste. Même si sa femme court à poil. Avec une patte dans les fesses. On est des psychopathes sortis de la cible. Le Camille roule. Où les résidents par au casse-pipe. Afin de gagner leur croûte. Des apparts pour tous les sans-abri et tous les clandos. On brûlera les casiers judiciaires des négros et bigots. 1-1-3 solidaire, mafia qui a fri légendaire. Levez des flingues bien haut, videz vos chargeurs sur les fachos. Truc de dingue, pas ma gogole. Fonce des à l'alcool, j'prends le monopole. J'prends mon envol, j'escroque et sans pitié je fuck. Je me moque, je vis dans mon époque. Je te braque même pour du toc. Appelle-moi le barjo, le malade qui marche en solo. Seul accompagné de mon couteau, de mon calife, je trouve la peau. Un truc de fou, de dingue, de psychopathe. Ça te rentre par les oreilles, ça te ressort par les pattes. Ok, c'est tout ou mal ça. Un café de plus, ça ripa. J'ai des fards français, donc je fais ce que je veux, je suis chez moi. Un truc de fou, Renoir. Un truc de fou, Renoir. Un truc de fou, Renoir. Des trucs de fou, pas des faux trucs de faux zoulou. Des trucs de dingue, des psychopathes, rien d'autre fou. Les barjos, c'est lourd. Sur le dos, et moi, Bruno, je me prenais pour Zico. Tu dépouillais des doudounes et des casquettes. Moi, j'évitais les tacles, les marquais d'une pichenette. Pendant que tu salissais les murs à coups de graffiti, moi, je tentais le coup franc magique de Michel Platini. La carte d'Afrique autour du cou a fait de toi un vrai zoulou. Si Africa Bombata te l'a mis dans le baba, moi, j'ai encore la foi en Diego Maradona. T'as rangé ton marqueur et tes bombes de peinture, car le phénomène de mode est passé à toute allure. Je ne suis pas un charlatan. De l'ancienne école, encore moins un zoulou de la nouvelle ras-le-bol. Y'a que du rap à l'eau sur toutes les radios. Y'a que du rap à l'eau sur toutes les radios. Je me moque du hip-hop, ce n'est pas ma dope. Je suis le dipotope qui te critique non-stop. Je me fous de la nation Zoulou. Je ne sais pas danser ta hype ni ta gogo. La seule danse que je connaisse, c'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secoue le bas des reins en faisant coin, coin. T'aimes les Américains, tu copies leur attitude et leur manière rude. Mec, t'es abruti par MTV, Nike, Cross Color et Carl Cani. Si la variette te prend la tête, moi dessus je fais la fête. Et je pense que tes conquêtes s'éclatent sur mes chansonnettes et dans les bacs de la FNAC. Aux côtés des productions AB, tu pourras me trouver, car je préfère être classé dans la variette. Arrêtez de lui prendre la tête, arrêtez de jouer vos soulettes. Y'a que du rap à l'eau sur toutes les radios. Classez-le dans la variette. Arrêtez de lui prendre la tête, arrêtez de jouer vos soulettes. Y'a que du rap à l'eau sur toutes les radios. Classez, classez-moi dans la variété, ouais. Classez, classez, classez-moi dans la variété. Oui, je sais, je me répète, mais classez-moi dans la variété. Jette un œil sur l'esthétique d'être hardcore, la meilleure variété. Plus tu dis de fuck et de bitch, chante tes textes, plus tu me vends des disques et deviens une vedette. Le rappeur gangsta tue devant les caméras et regagne sa villa en Porsche Carrera. Tes états d'âme sont pour moi comme les états d'Amérique. Copieur. Sur toutes les radios. Classez-le dans la variété. Arrêtez de lui prendre la tête. Arrêtez de jouer vos soulettes. Y'a que du rap à l'eau sur toutes les radios. Classez-le dans la variété. Arrêtez. mère et tout mon ministère. Amère et tout mon ministère. Vas-y, arrête ça. Vas-y, jette-la directement. Bon, je continue de me donner le droit de penser. D'une classe protégée au pouvoir illimité. Manipule ce monde immonde où la terre n'est plus ronde. Force de punir en mort, car la raison du plus fort résonne. Carton te donne l'or. Te dessine et d'accepter ton sort à tort. Sans te battre ni combattre, le pouvoir absolu détenu. Avec la plupart des individus, plein de vices. Je conteste par la prime, par le carton de mes rimes. Le fait que le pouvoir puisse décider seul du sort du monde qui compte sans cesse en faiblesse, cherchant la solution à leurs problèmes futurs. Ceux qui prennent de l'envergure au fur et à mesure que le temps passe, oui, leur support s'efface car le pouvoir en place n'est pas digne. La puissance est un signe révélateur, oui, je l'affirme, ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Il faut que tu le saches. Ouvrez les portes, la pression est trop forte. J'ai le mystère dans le dos. Attention, maintenant je m'en porte. On dirait que je n'ai non jamais. Tiens le pouvoir des mots. simple un modèle. Le détenteur universel de cette potion, tu t'en sors celle qui t'interpelle. Oui, j'excelle, tu perçois mon appel. L'exemple de cette génération, plus ouverte à qui la terre a été offerte. Donc là, je jure d'un nouvel œil, l'évolution sera fatale pour tous les tortionnaires totalitaires, car ils sont tous complices. Mais long et long, et encore plus long, et la voix des bontons sur les chemins de la compréhension. En attendant, donne le coup de tête, une bonne raison l'issue de ta condition. Car les dés seront lancés lorsque la masse réagira contre le conditionnement établi par les gros blocs qui nous gouvernent. Et lorsqu'elle comprendra. Quel est le pouvoir ? Qui bouge, qui lutte, qui combat l'oppression. Le peuple en action, voilà la solution. Attention, méfie-toi de la puissance venue du bas qui saura faire sonner le glas avec perte et fracas. Relaté par chaîne, qui dit non par Noé. Car la situation, l'institution deviennent dérision. Et laisse son ouest faire tomber, les dictatures n'empêchera pas la rupture. Car l'humain s'entête dans sa folie, rien ne l'arrête. Alors toi qui te dis roi, sois roi de ta foi et non pas de ton frère. Et donc toi que j'appelle frère, quand finiras-tu de taire ses craintes et d'alimenter par ces mêmes trains. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Y'en a marre qu'on passe pour des cons. Le patron, la dernière fois, c'est pas de notre faute. On est rien à foutre. Y'a pas de dernière fois. On a changé les bagnoles, non? Alors je te préviens, Pujol. Si tu me les paumes, tu te retrouves en képi avec un sifflet dans la gueule au milieu du carrefour. On s'est bien compris, Pujol. Ouais, patron. À laquelle tu dois t'habituer seulement. Dans les quartiers, les condés de la métro, voire autre pas mais et aussi. Sachez que l'air est chargé d'électricité. Alors, pas le respect, pas le pitié, escompté, vous aurez les regrets. Tcha. Jamais par la répression, vous n'obtiendrez la paix. La paix, la paix de l'homme, le respect de l'homme. Mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand ils passent l'uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable corps, corps organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Corps d'armes autorisées malgré les laveurs. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée? Souvent mentalement retardé. Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excès, le zèle, ils excellent. Voilà pourquoi les insultes plus qu'on passe les hirondelles. Pour notre part, ce ne sera pas. Mais en spécial, nique ta mère de la part de la mère patrie du fils. Police, machine matrice, de cervelet, mandat qui parle à la machine meurt la légèreté. Le mandat qui parle la justice sur laquelle je pisse. Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre des maléfiques qui pour moi ne sont signes que d'emmerde. Regarde, je passe à côté de tranches de gants, devient nerveux. Oh, contrôle de police, monsieur. Systématique est la façon dont l'histoire se compris. Pas le bon mec, moi je me presse sans les balles. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Portant atteinte à la gamache. Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit, yo idiot. Donne-moi les balles pour la police municipale. Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. On va vendre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en je sais. Mandaté par la justice sur laquelle je pisse. D.E.D. 93 à Saint-Saint-Denis, Chicago, Bis. Pas des récidivistes, mais pas de télévis. Je t'envoie la puissance, conservant mon avance. Tout en transcendance, un à un, j'en ai tous les flics de France. Mercenaires, fonctionnaires, au sein des milices prolétaires. Terriblement dans le vent, trop de guerre à terre pour qu'ils tombèrent. Ou même à terre, récupère mon fil héritaire qui depuis trop longtemps boit l'hiver. Contribuant à la montée de tous les préjugés. Et malheureux pour enflouer l'animosité des poudrières les plus précaires, considérés secondaires par les dignitaires de gouvernement trop sédentaires. Je déroule jamais, ne m'écouvoie la leur. Adepte de l'intellect des élèves. Mais je garde un œil sur l'avenir. Je me méfie de la nouvelle école évolue dans mon style. Pas facile de faire l'impasse par la bise. Ne veux pas considérer la menace. Mec, chasseront les places, c'est fatal. Faut pas te mettre, néanmoins c'est normal. Oui, je sais, ça fait mal. Mal au mental, mal au moral. De découvrir sa prière, ton bal. Perforé par les balles. De la nouvelle école, la vie de monopole. Prête à travailler comme dans une coopérative agricole. Prête à effacer les vestiges du passé, les symboles. Dans les gardes de ta part et tu finis dans le formol. Mec, de la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Il faudra savoir rester funky pour se mettre à l'abri. Que ceux qui n'ont pas compris restent sur la souche. Attention à l'impact, si tu n'es pas compact. Au contact des certains cabus, il reste des contracts. Car les jeunes MC n'y vont pas demain. Avec pour objectif venir frapper à la boxe. Sans complexe, relégant les ringards à l'annexe. Avec un doigt, on dit plutôt le majeur que l'index. Ils sont nés dedans, s'inspirent de notre talent. Bénéficier de nos erreurs et on se gagne du temps. Évidemment, c'est la règle du jeu. Hey. Sachez que je suis fier d'avoir participé à l'évolution de cette fraction. Armée de l'élite, c'est classé X, c'est prend ma section. A chacun d'entre nous, sous la devoir, verra bien sa mission. A tout le monde de vous dire avant de quitter le rang, tant qu'il en est temps. Quand on vend-il le temps, talent tout en respectant les règles d'or, les protocoles d'accord. 100% hip-hop ou bien. Moi je suis un puriste, un funambule équilibriste. Rêve de voir son art sillonner la bonne piste en poste pour. L'imposture comme la peste. Que la nouvelle école prenne ceci comme un manifeste. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Voyagera dans la soute, cela ne fait pas de doute. Tu vas bouffer les mains au-dessus. Flupe ta mère, des remerdes si. Les phrases sont enverbes, énormément de textes m'emmerdent. J'espère me faire comprendre. Pas de mépris sur l'analyse, mais tu peux te détendre. Si on triche du flow, le bon des mots est au niveau. Même en solo, bravo, c'est chaud. Vas-y, chis en équilibre. Oh, pas de blague, pas de gaffe, pas de gag. Oh, repère bien l'endroit où tu gagues. Car je vous rappelle que le parcours plus difficile est que l'écart qui nous sépare du tout départ n'est pas du au hasard, mais au de vrais combats, ceux qui depuis un bail tiennent le gouvernail, méritent une médaille sur ce bye bye. Bonne chance et bon vol. Peace. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Check one. Pour la nouvelle école. Check one. Pour la nouvelle école. Check one.

je sais c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylons qui filent sur le tendon, ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu cassé me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait, ce qui lui plaît, Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, ce qui lui plaît, Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tapent, le petit ronron. Les éminents, tes petits bateaux. Pour de l'âge-pelle, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en plus. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Ce papa se fait du tracas. Dans les logis, les mal lotis. Bébé fait lui s'abouillir. 8 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le sang. Sur ce lit de mes draps bleus froissés, sont insoumis, sont mécassés. Je perds la tête de mes cigarettes, sont toutes fumées dans le cendrier. Espèce de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis toute seule, Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre, entendre le soleil no. Je me coupe la main, ramassant les morceaux. Girl, I wait for you. Hold me tight. Love, even touch my soul. They saw a chance to shout again, cause I sing for you all night long. So let me shout, shout, shout. Shout, shout, shout. Ooh, la la la la la la la la la la la la la. Say shout. Ooh, la la la la la la la la la la la la la. Say shout. Ooh, la la la la la la la la la la la la la. Say shout. Ooh, la la la la la la la la la la la la la. Say shout. Hey ha, hey ha. Let's shouting. Let's shouting. Ooga, ooga. Shout. Ha ha ha. Hey ha, hey ha. Let's shouting. Let's shouting. Ma fort, embrasse-moi. Oh, quelle fête vivrée. Symphonie sensuelle, m'envoie en l'air. Tu me caresses et me magnétises et je craque. Pour une star, je flash. Pour lipstick. Tu craques pour une star ce soir. Toi tu flashes pour lipstick au coin du bar. Ha ha ha ha. Let's turn up nights, have some fun, and a funky night. Got to meet our friends, honey. Your dress is show, you know. Your worries mine. Turns you around, I can sing for you all night long. So let me shout, shout, shout. Shout, shout, shout. Ooh, la la la la la la la la la la la la la. Say shout. Ooh, la la la la la la la la la la la la la. Say shout. Someone takes you now to Manhattan. Get on up, get on up, get on up. Oh, lipstick wanna taste you, dance to Manhattan. Get on up, get on up, get on up. Woo! Shout, ha ha ha, hey ha, hey ha. Let's shouting, let's shouting. Ooga. Shout, ha ha ha, hey ha, hey ha. Let's shouting, let's shouting. Say shout. Shout, ha ha ha, hey ha, hey ha. Let's shouting, let's shouting. Shout, ha ha ha, hey ha, hey ha. Let's shouting, let's shouting. Hit it, get it. Et les lolos, Doc Gynéco, tu parles même pas de toi. Yeah, yeah. Mais si elles viennent te voir, ah, quel cauchemar. Passé lui mon ami m'a foutu dans la merde. Le jour du clip t'es pas venu, tu fumais de l'herbe. Mon grand quartier au lieu d'être à la cité. NTM, articule quand tu pètes. Est-ce que t'as la crème? Ah, je comprends, t'as la fièvre. Y'a des mecs qui font charmadap, charmadap, et qui rentrent comme une bite dans le rap. Mais là, j'ai pas capté tes phases, frigo, sans les trous. C'est toi qui dois bouger sur l'alliance ethnique. Dis mal, dis-moi de quoi tu parles. Oh, ah, toujours même tube, quand tu braques, on l'a balayé pas. Je me prends pas pour un sage ni un poète, mais comme un mec à la ligue tech. Seul contre tous et tous pour un, pour qu'il n'ait pas d'handicap. Échappe et le groupe, tout le monde avec moi pour faire monter le rap. Vas-y, viens, on frappe pas. La guerre du rap. Vas-y, tap, tap, tap. C'est la guerre du rap. Vas-y, viens. Choisissez à qui appartient le Mélo, mélo, man, cogno, enlève ton costard. Laisse les affaires, oh. Mes nègres, marron, vous voulez de la monnaie. Mais c'est pas une raison d'aller faire des choix rap. Juste en bas de chez toi. Novice divis, je vous ai invité dans le studio. Je vous avais prévenu de ne rien taper. Mais à la maison disque, vous avez volé du poulet. Désormais, ça fait partie de votre place. Femme, négro, la prochaine fois chez Nagui. Si tu pars, pars au moins avec une caméra. Sony, hey, Johnny, go, toutes les meufs qui te prennent la tête. Tu les jettes soi-disant. Mais avoue que tu cours derrière les raclettes tout le temps. C'est quoi d'être à ce mode-là ou quoi? Je ne comprends pas. Assassin, arrête de me dire lire un bouquin. C'est la merde et tu sais elle. Passe-moi un Playboy, ok. Tu me fous dans la demeure. Peu chier de femme, des flics, sacrifices, des bourrés. Continuons les négros, tout en se faisant supplé. Sans baisser la culotte, mais plutôt la braguette. Pour que le rap dans toutes les têtes. Dans quel sens tu niques Ayam, le dragon, la pyramide et le Mia. Ne perdez-vous pas un peu la tête. Je te préviens, c'est moi Tony Montana. Passons à mener les guerres tout bête. Et j'entends déjà les charclos en galop. Famille expulsée, toxico, claqué, prisonnier qui se plaignent. Quand je suis dans des soirées avec un killer, vous n'arrêtez pas de scratcher. Je ne suis pas fâché, mais les cellules sont respirées. Rap Sonica, Rara Sonica, dites-moi. Dans la jungle Sonic et puis Sonic est leur problème, diabolique. Timide et sans complexe. Changement de décor. Rendez-le timide, être sans complexe. D'accord. Stimis madame, arrête de braguer. Quand tu bouges à lèvres, t'es des talons car. Quand tu es obligé de t'habiller en guerrier pour lancer. Juste aider. Va au casino et tu verras si tu vas rentrer. Sony MC, où es-tu sur l'île de beauté? Reviens, petit, Moda et Dan Sony. Alors que le petit droppy Doggy Frank pose dans Frank à la réciproque. Je me moque, même le son du rythme. Le cognon, le mytho, le salaud, gigolo. Dégage un peu ta gueule, négro, et ton sale flow. Oh là là, je parle même sur moi. Mais dites-moi pourquoi. C'est la guerre du rap, vas-y, viens, frappe. C'est la guerre du rap, vas-y, tap, tap, tap. C'est la guerre du rap, cas d'un haut qui parle avec les doigts et qui me dit un roi, c'est celui qui a sous son doigt. Les enfants comme autant de petits pois, ils sont la vie, le vent, enfin ils sont la joie. J'ai peur du gars d'en bas qui mange avec ses doigts. Il m'apporte des dates et même si j'en voulais pas, il me dit c'est laïd et quand c'est laïd, on se doit de donner ce qu'on a. Ils me disent à loi, je sens que c'est pas du patois. J'ai peur ces gens qui rôtent, les voilà qui me tutoient. Il y a ceux qui me disent quand t'es chez moi, t'es chez toi. Ouais mais là t'es chez moi, alors tu rentres chez toi. Le paranoïaque il a l'air éteint. Le paranoïaque il nous croit au teint. Le paranoïaque il est énervant à force. J'ai peur de ma voisine et peur de mon voisin, de celui qui habite là-bas, un petit peu plus loin. Ils sont toujours en train de se dire oh, on s'invite. Quand ils me disent viens, je les évite. J'endors plus la nuit, je fais plus que des siestes. Tous les lits, je les fuis comme la peste. On va me dépouiller, on va me manger, c'est sûr. Oui, je le sens, quelqu'un va me passer au vide d'ordure. Ils font péter des gutturales à réveiller les morts. Et les regards, on dirait la quête des coffres forts. Leurs dents de devant, elles sont toutes en or. En plus, ils voient ce pas, je les vois. Le temps dehors. Le paranoïaque il a l'air éteint. Le paranoïaque il nous croit au teint. Le paranoïaque il est énervant à force. Le pain, je vous dis pas comment ils sont accros. C'est jamais des baguettes qu'ils achètent, c'est des lots. J'aime pas tous ces gens qui achètent tout en gros. Le riz, les pâtes, la farine, ils en ont jamais trop. À peine arrivé, maman, ce n'est pas qu'une étape. Les voilà au volant de leur 16 soupapes. La voilà ma cerise depuis que j'habite à Lisière. De cette putain de cité, je frise la crise de nerfs. En bas, ils ont des tout petits magasins ouverts de 5h jusqu'à la Saint-Firmin. Ils ont la peau crépue et le cheveu crépu. La bouche houleuse, ça y est, moi j'appelle le Samu. Le paranoïaque il a l'air éteint. Le paranoïaque il nous croit au terre. Le paranoïaque il est énervant à force. À force. Le paranoïaque il a l'air éteint. Le paranoïaque il nous croit au terre. Le paranoïaque il est énervant à force. Le paranoïaque, le paranoïaque, le paranoïaque, il est énervant à force. Le paranoïaque, le paranoïaque, le paranoïaque, il est énervant à force. À force. À force. On aime se faire flipper, jouer son slip sur une couleur, quitte à se faire slipper. On aime les gros bolides, les gros cylindrés, sur Annie de Docteur, de Monsieur Dre. Les mains moites sur la boîte séquentielle, moins de 4 secondes chrono pour toucher le ciel. Je vois le mur mais j'accélère car le risque a le goût du miel. J'suis gonflé à bloc comme un bleu Michelin, à mi-chemin de la peur et de l'excitation. L'amour du riz sans limitation, Danny donne la mine sans imitation. Des blocs, les bourses pleines, nous mènent vers des longues peines. L'homme des SK, qu'a envie de ken. J'm'en bats les reins, je lève ma vie, je lève mon verre comme un R1. Eh vas-y Danny dealer. On prend des risques pour atteindre la réussite. Pour l'amour du risque, on prend des risques dans nos vies, connaissant les histoires. Pour l'amour du risque, et vas-y t'as les dealers. On prend des risques pour atteindre la réussite. Pour l'amour du risque, on prend des risques dans nos vies, connaissant les histoires. On prend des risques pour atteindre la réussite, ou simplement se sentir vivant, car ça excite. Personne n'est invincible. Je divise le monde en deux catégories, ceux qui savent ce qu'ils font et les imbéciles. Ceux qui savent ce qu'ils font feront des choses impossibles. Le premier gars qui a sauté d'un avion était lucide. Le premier gars dans l'espace, la première grève de moelle épinière. Les mecs calculaient leurs risques, n'étaient pas suicidaires. Mais s'il te plaît, restons sur terre. J'aimerais parler des imbéciles, mais je n'ai que 16 rimes. Mais trop de choses à dire sur des frères, tels que Martin Luther, luttant pour la justice devant la police assis par terre. N'est-ce pas l'amour du risque? N'est-ce pas la même pour Malcolm X? Même s'il ne voulait pas s'asseoir, sortait son brolic. Tu vois, l'amour du risque, liaison dangereuse qui te nuit. Mais pour de bonnes raisons, elle est douce comme l'eau de pluie. Eh vas-y t'as les dealers. On prend des risques pour atteindre la réussite. Pour l'amour du risque, on prend des risques dans nos vies, connaissant les histoires. Pour l'amour du risque, eh vas-y t'as les dealers. On prend des risques pour atteindre la réussite. Pour l'amour du Christ, on prend des risques dans nos vies connaissant les humains. J'ai comme exemple Malcolm X ou Martin Luther, ouais. Pas un footballeur, encore moins le maire et tous ses branleurs. On me dit chut, tu risques ton job, t'as la langue pendue. Ma religion me l'interdit, tu me trouveras pas pendu. Y'a ceux morts à cause de la qualité de leur dose. Tuez-moi si vous voulez que j'arrête de défendre mes causes. J'ai l'amour du risque comme un trader qui joue des mille ou pas. On prend des risques, très souvent t'as vu le fric. Pour lui certains tuent, l'argent rend les gens sauvages. C'est pire quand ils n'en ont plus. On prend des risques tout le temps, qu'on le veuille ou même pas. Et faut reconnaître que manifestement on aime ça. Le danger et sa compagnie, histoire d'éloigner l'ennui. Crois pas que pour moi la vie ne vaut rien, car rien ne vaut la vie. L'amour du risque, maladie douce comme de l'eau de pluie. Je me trompe sûrement, mais sans je serai pas suite, je suis aujourd'hui. Et pas si t'as les dealers. On prend des risques pour atteindre la réussite. Pour l'amour du risque, on prend des risques dans nos vies connaissant les humains. Pour l'amour du risque, et vas-y t'as les dealers. On prend des risques pour atteindre la réussite. Pour l'amour du risque, on prend des risques dans nos vies connaissant les humains. Pour l'amour du risque, divise le monde en deux catégories. Ceux qui savent ce qu'ils font et les investissent. Je suis gonflé à bloc comme un bleu Michelin. À mi-chemin de la peur et de l'exhilaration. J'ai comme exemple Malcolm X ou Martin Luther. Pas un footballeur, encore moins le maire et tout. Pour l'amour du risque, on prend des risques tout le temps, qu'on le veuille ou même pas. Et faut reconnaître que manifestement on aime ça. Risque. J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale. Aux mi-pattes métalliques roulant dans ses bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu, la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique. À force de pression constante, la tension va cesser, tomber par imprudence. Des gens qui s'aiment sans gare se laissent tomber. Je démontre un escargot à la coquille dure à pénétrer, mais le monstre est beau. À chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, Panam, Panam, Panam. Panam, Panam, Panam. Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus. Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures. Le temps se divise par quatre dans son œsophage. C'est lui la bête, mais c'est nous qui sommes en cage. Sans changer de taille, grossit au risque de serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique. À part sur l'avenue, tu feras pas 10 mètres sans toucher le mur. Ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule. Après tout, que serait Batman? Après tout, que serait Batman sans Gotham? Quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent, c'est à cause des gratte-ciels que les nuages éternuent. Alors l'orage gronde et la foudre précède. Pam pam, panam, panam, panam. Même dans ces rares passages, le soleil sait se faire beau. La chaleur accueillie tel un joli fardeau. Magistral au mois de mai, la joie devient capitale. À demi-nu sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables. Les quais sont florissants, inondés de coulées vertes. Chaque rencontre se change en amicale découverte. Agrippés aux ailes des bateaux mouches, dans les parcs on pique-nique en chantant. Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam. Et bienvenue King Moula, j'espère que vous avez apprécié notre trajet. Bon voyage de Moula. C'est vrai, de Moula. Excellent. Je te baffe 5 étoiles minimum sur mon téléphone. Tu baffes? Ouais. C'est-à-dire? Bah, grosse baffe, baffade. Ah! En esprit. Tu me baffes 5 étoiles. Direct. C'est violent un peu, non? Ouais, c'est bon. C'est pas comment de baffer 5 étoiles. Normalement, on dit, ah, je te mets 5 étoiles sur l'application. Ouais, mais... ouais, c'est vrai. Toi, tu baffes, toi. En esprit. T'en laisses. Tu baffes, ouais, reste bon. Après, je vous laisse apprécier le charme de l'architecture et des piliers, et puis tout ce qui est baroque en rapport à l'art gothique, à Sagrada Familia. Faites vous l'honneur, Sir Moula. Je me présente, Majordome Abdel Soulax. Bienvenue dans votre château, le demeure des esprits. J'ai bien dit, bienvenue dans votre château, le demeure des esprits. Le buffet de Moula est à volonté. J'ai bien dit, le buffet de Moula est à volonté. Avec un accueil chaleureux, vous serez réservé. Et un service qualité assuré, Sir Moula. Tous les membres de mon personnel vous soutiennent moralement, physiquement et psychologiquement. J'ai bien dit, tous les membres de mon personnel vous soutiennent moralement, physiquement et psychologiquement, Sir Moula. Et j'ai entendu pour votre incident, bon rétablissement pour votre jambe, Sir. Merci beaucoup. Suivez-moi, je vais visiter votre chambre, ainsi que votre demeure. Merci beaucoup. Fumer, faut du Menders. Si t'as les poches vides, il te faut des bangers. J'passe à la cité, récupère des bangers. Le Menders est jaune comme l'équipe des Lakers. C'est la Rapta 2500 bangers. Celle qui avoisine les 1 kg de Menders. C'est la Rapta 2500 bangers. Celle qui avoisine les 1 kg de Menders. Midi, midi, Menders. Que des plans phares pour des bangers. La moula, c'est du Menders. Menders, Menders. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moula ta Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moula ta Bogota. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. J'veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. J'fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Rapta, ya ya, j'suis un salvateur de Bahia. Jagda, ya ya, calibré comme la Mara. Rapta, ya ya, Menders, bangers, benda. Toute ma vie c'est le carnage. J'arrive dans le club en Dolce Gabbana. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moula ta Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moula ta Bogota. Fais-moi la bise comme un aristocrate. DJ, coupe le son. Monsieur le Hez, je peux parler au peuple. Je décide de faire un toast ce soir pour faveur de Monsieur le Hez qui nous a invités ici et sachant qu'il fait partie de la nouvelle génération. ce qui s'appelle la moula. Moi, je fais partie de l'ancienne. Darham, l'argent. Darham al-Bak. Tu sais, cette nouvelle génération, ils ont inventé plusieurs choses. Paiement sans contact. Moi, j'ai besoin de contact. Tu vois. J'ai besoin de sentir l'argent. Tu vois. Rien que le nom. Darham al-Bak. L'argent. C'est plus important que tout. Et il ne faut pas oublier que ce soir, nous sommes tous des aristocrates. Nous avons levé le verre pour Monsieur le Husky et ses présents. S'il vous plaît. DJ, remets la musique, Nikamok. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. J'veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. J'fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. J'veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. J'fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Quand j'ai entre ses jambes, Lucas son cœur, son dos, je lui laisse démarquer. Elle me guette dans les yeux quand je finis la bouteille. Elle sait déjà, je les baisse, les jette à la poubelle. Je mets les sons en boucle, elle les connaît par cœur. Tu veux du feu, mais je sais que t'as le briquet. Et t'aimes trop la lumière, les raclons impliqués. Je préfère faire des phares que ton gros fiole. Tu connais déjà. Rien à foutre des raclis, elles sont comme mon Kamaz. Sur Snap et Instagram, c'est du 3 fois filtré. Madame veut tourner, tourner, tourner, tourner tour. Elle veut les lever tous les jours, les jours, les jours. Même à 4 contre 100, elle sait déjà qu'on est déjà. Ma gueule, tu connais déjà. C'est vrai, on noir. Elle veut tourner, tourner, tourner, tourner tour. Elle veut les lever tous les jours, les jours, les jours. Même à 4 contre 100, elle sait déjà qu'on est déjà. Ma gueule, tu connais déjà. C'est vrai, on noir. Elle veut le vieux, le jaune, les verts, elle ce que les centimes. Elle aime les 5 doseilles, les bandits, pas les gentils. Elle aime les ballons, balis, les chasses, pas les balades. Elle a pas de centimes, on veut le bénef même le dimanche. Dimanche. Elle veut sa Goya, elle veut plus Louis Vuitton. Elle est partie voir ailleurs quand t'as pris 8 ans. Elle veut serrer ton poids très vicieuse comme le diable. Mais tu connais déjà, elles sont comme ça. C'est minimum 10 si tu veux t'asseoir à sa table. T'as le loup bout d'un Balenciaga, ça Céline. Elle a photoshopé ses photos, ça c'est nul. J'aime bien son Insta, mais je sais qu'elle est instable. Rien à foutre des raclis, elles sont comme mon Kamaz. Sur Snap et Instagram, c'est du 3 fois filtré. C'est du 3 fois filtré. Madame veut tourner, tourner, tourner, tourner tour. Elle veut les lever tous les jours, les jours, les jours. Même à 4 contre 100, elle sait déjà qu'on est déjà. Ma gueule, tu connais déjà. C'est vrai, on noir. Elle veut tourner, tourner, tourner, tourner tour. Elle veut les lever tous les jours, les jours, les jours. Même à 4 contre 100, elle sait déjà qu'on est déjà. Ma gueule, tu connais déjà. C'est vrai, on noir. Angoisse au monde. Yeah. Savoir est une arme, maintenant je sais. Passion ou un luxe, ça masse ton cycle autofusque. Oui. Parle-moi, vas-y, n'aie pas peur, dis-moi. C'est le top pour la drague, je le savais déjà. Tu l'as voulu, maintenant tu pleures ta thune. Parce que ce crâne de Mickey Rourke en a une. Le bandana est un option, super de crissement de pneus. Aussi, tu perds de mon estime, là, tu dépasses les bornes. Tu as de l'allure, à part tes deux cornes. À tort d'ivresse, le vrombissement du moteur, la vitesse à l'avant pour monter derrière accroché dans ton dos. Aime-t-elle ta personne ou bien ta moto? Sors d'un aïe avec des racaillons pleine chaîne. Étudiant la semaine, biker de week-end. Même si ton humour dans la nièce réglisse, sans t'appels en petit patate entre les cuisses. Lorsqu'elle te largue déçue, tu t'aperçois que le siège en cuir les a plus touchés que toi. Voilà pourquoi tu as changé tes opinions. Parce que sinon tu étais bon pour la masturbation. Du coup tu portes des gilets en cuir et des foulards de Anna Davidson et Mamma Roman. Tu joues les durs et les vrais rebelles. Tu te dis que tu vas te faire les plus belles. Ton fantasme bien sûr c'est Daytona Beach. Alors tu tripes sur le highway de la corniche. T-shirt blanc, lunettes noires, les cheveux au vent. Pas de casque et blanc, PV dans les dents. Tu ne peux plus voir. Tu m'emmènes faire un tour. c'est vrai, ça fait brancher de bord de la Del Scott. De jouer à la horde sauvage avec tes potes. Années 60, les chaussures et le froc. Dis-moi, tu mets aussi les slips qu'ils avaient à l'époque. Alors on se sent fort avec du cuir sur le citron. Avec des bottes carrées, on se prend pour Marlon. On fait le révolté contre la société. On fait des défilés de fringues sur la rue Saint-Fée. Le style loupard, y'a pas à dire, ça jette. Faut pas faire chez Bébert quand il repart sa pétrolette. Tu vois la méchance, ça attire les minettes. Mais tu vis encore chez maman, petite jeunette. Tu n'es pas easy, plutôt pas le rider en personne. Ouah, t'es Léa Davidson. À te voir fumer sur la route, on se demande si le casque sert à protéger le coude. Lunettes de soleil en pleine nuit, tu m'étonnes que tu ne vois plus personne. Harley Davidson, mon amour. Non, je ne suis pas jaloux, mais j'en ai assez de lait qui au point morfond. Qui pourrait te brancher, alimente le ouf. L'éthologue caustique sur leur mort fait un zoom. Mad Max, le trip aventure, tu y goûtes, mais tu es mout. Un petit moine de la route. Arrête, arrête, muchacho, tu m'as saoulé. Motard pour l'année, intermittent de la Harley. Je ne peux plus voir personne en Harley Davidson. Dégage. Laisse-la jouer pour homme en Harley Davidson. Dégage. Je ne peux plus voir personne. On ne me traitera pas de soumis à l'état d'inactif et passif. On ne me qualifiera pas, non. Mener la guerre tout seul, je ne le prétends nullement. Préférant la guérilla pour laquelle je suis vétéran. Guidé par l'esprit des samouraïs et d'antan. Et mon yin a le yang pour ascendant. Inutile de se laisser aller à des tergiversations ennuyeuses et insensées. Mais réel, à l'esprit plus que rebelle. Dans un domaine où j'excelle et sans faire de zèle, je me déchaîne et enchaîne un tourbillon de rimes sur un morif. Le sublime envoie sur les platines. Musicalement, on en a pour 10 ans à rattraper le temps qu'on perd en ce moment. Exaspéré par les conneries qui nous font écouter tous les jours dans les radios, à la télé, c'est normal. Elle n'a aucune voix mais elle est bien roulée. Elle chante n'importe quoi mais ça va faire doubler la France. Et les passés, n'en soyez pas surpris, non. On préfère le pognon plutôt que la perfection. Membre actif de Criminals et Gros Poissy. Le crime par la musique étant mon plus grand hobby. Le bitume est mon fier mais je ne tue pas pour lui. Bon boy je suis mais ne me la joue pas Billy. Si bien qu'aujourd'hui je lance l'édit que tous mes scrupules sont anéantis. Non plus de pitié ni de sympathie. Les niais seront systématiquement détruits et rangés classés dans un gros dossier qui est très loin d'être terminé. Et vous le savez, dans les rangs on ne nous fera pas rentrer. Quand à 6 heures on ne nous fera pas lever. À la carotte on ne marche pas, désolé. Désormais on refuse de tout temps. Sans égal, la puissance criminosicale infernale, le pouvoir dont elle fait étale. Une balle au sifflement digital, inimical, impact fatal. La vie d'un homme se compare à une voiture. Nouvelle venue dans le monde, elle a fière allure. Mais de temps en temps, une panne survient. Vite, un coup de fil direction le médecin. On te fout à la casse si tu vaux plus rien. Mais de toute façon, il y en aura trois de plus le lendemain. La MOV en plein esprit. Non soumis à l'État, HS professe et blesse. Non soumis à l'État, Vivace posse de classe. Non soumis à l'État, BDF en veste et greffe. Non soumis à l'État. Servir le peuple vit pour un gouvernement à vide. Et ceux qui l'apprennent très bientôt se suicident. Abusant de ses semblables sans aucun scrupule. Et pour avoir de l'argent, peu va rien ne recule. La loi de l'argent n'est pas où l'on croit. Le réel prédateur ne traîne pas dans les rues. Il fréquente les clubs et les cercles bourgeois. Ignorant ce que c'est que d'avoir les flics au cul. Ceux-là sont tranquilles, on ne les traquera pas. Car ils sont protégés par la police et l'État. Ce sont des PDG qui siègent à l'Assemblée. Peut-être même que pour eux vous avez voté. Révolution, mai 68. Si j'étais vous, j'essaierais un coup en l'an 2000. Célébration d'art, c'est entamé, inutile. Les seuls qui en ont profité, les huiles, alors quoi? Vous comptez aller loin comme ça? Ça vous amuse de jouer les proies? Un jour, vous mangerez matin et soir du pain et des oignons. Eux, ils auront des indigestions de pognon. Vous laisserez vos enfants dans une telle merde que ça m'étonnerait qu'ils fêtent de tricentenaire. Et ce sera normal, on ne pourra pas les blâmer. On peut pas évoluer en vivant dans le passé. Sachez enfin que vous n'y pouvez rien contre cette évidence, il n'y a aucune chance. Je vous rappelle encore, avant de virer de là, qu'on ne me traitera pas de soumis à ce putain d'état. On ne me traitera, et ça en aucun cas, dans un premier constat, de soumis à l'État. On ne s'y attend pas, mais c'est un attentat. Voilà le résultat, mesurez les dégâts. Chapitre 1, délicat de la vendetta. Entre l'État et moi, chef du syndicat, certificat armada, triple A de poète, n'est pas de renégat. Ce qu'on ne traitera jamais de jetons de l'État. AKH, roi titulaire du baccalauréat. Mais toujours pas de métier, alors stoppez là les faux des bourrages de sabots qui te ramènent aussitôt aux abords du niveau zéro. Mental, car l'éducation est complice, fatal, corrompu comme la police. Et c'est normal, la France est un pays de chevaliers qui ne cessera jamais de vivre dans le passé. Tu ne piges pas, ou tu ne m'entends pas. Je vois Djebraka, toi tu gambetta. Entre toi et moi, il a ce lien, cette aura, ce halo, amigo. Si bien qu'à la guérilla, côte à côte au combat, soit à capella ou suivi d'un rythme de rap. Voilà pourquoi ça frappe très traverti, les dirigeants nous ont menti. Ils veulent le pouvoir et le pognon à Paris. J'ai 22 ans, beaucoup de choses à faire, mais j'avais de la vie, j'ai trahi mes frères. Je vous rappelle encore, avant de virer de là, qu'on ne me traitera pas de soumis à ce putain d'état. Un père, une mère, peut-être qu'ils l'ont aimé. La gaieté doit un jour céder. Pour certaines personnes, la vie est un échec. Mais c'est juste une page dans le carnet de bord d'un sale métèque. Il ne nous en veut même pas, flippe pas devant le feu de ses regards qui croisent haine. N'aime pas, je pense quand j'embrasse mon fils, que lui réserve l'avenir. J'angoisse, reviens à la réalité, esquisse un mouvement de la main. C'est dément, il est allongé là. Et tous ces gens passent indifférents, regardent un peu autour, ils meurent de faim. Les fous veulent garder leurs privilèges et crèvent plein de place jusqu'au cou. Mon Dieu, quel fait sinistre, le dernier des clochards contre le premier des ministres. Relax chez eux, entre un bridge de boniche et leur cocktail. Je lâche cette pompe et qu'elle pète dans leur cocktail. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes ici-bas. Et chacun pour soi regarde, chez là, regarde. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes ici-bas. Et chacun pour soi regarde, chez là. J'aurais aimé être beaucoup de choses, mais il n'en est rien. Je ne suis qu'un homme, diseur de prose. Et je ne suis pas à l'abri pour autant, vu que mes semblables tirent sur leurs frères à tout bout de champ. Un pauvre mec pour une place de parking se prend deux balles et laisse derrière lui deux orphelines anodines. L'histoire se répète chaque jour quand un tireur prend des gens pour cible du haut de sa tour. Et tout ceci dans ce délai que la masse est envoyée par la télé qui sans cesse ressasse ces histoires de crimes à grand renfort de gros plans aux heures de repas. Des peuples entiers dans des bains de sang. J'en ai marre de voir tomber des minots. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on va rire pendant les infos. Tu vois, tout a évolué sauf nous. L'époque des jeux de Rome n'est pas si loin après tout. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. Et chacun pour soi regarde, Angela regarde. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes ici bas. Et chacun pour soi regarde, Angela regarde. Il y eut, paraît-il, le paradis ici. Il n'en reste rien, c'est dans les livres qu'il survit. Voilà pourquoi l'argent tout le temps fait le pouvoir, souvent conféré à des incompétents. Il y eut la peste, le sida frappe très fort, mais la connerie humaine a toujours battu tous les records. On gaspille des millions au nom du progrès, mais restera-t-il encore quelqu'un sur terre pour en profiter? L'alibi des batailles, les conflits d'intérêts, les fanatiques braillent, les démoniaques raillent, l'homme n'est pas de taille. La partie est trop forte pour un inconscient de la sorte. Le gardien des cieux leur claque la porte sur l'arche de Noé. Nous sommes les seuls animaux, car on peut tuer gratuitement, non pas pour survivre. Et je suis inquiet pour les lendemains. Angela, ma sœur, l'homme crache sur les œuvres de son créateur. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes. Ici passe chacun pour soi. Regarde, j'ai la regarde. Au royaume animal, le lion est roi, l'homme devient fou. Combien d'âmes tombées sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes. Ici passe chacun pour soi. Regarde, j'ai la regarde. Face depuis sa constellation, image du mal et des tendances démoniaques, représentant des ténèbres et de leur monarque, la partie sombre de l'ambivalence, qui comme son n'aimait rien d'autre que le silence. Distribue sa puissance maléfique, alimente sans cesse la foi des fanatiques, épaulés par les mystiques, cavaliers apocalyptiques, gardien sévère de la perle de pureté, du jardin des espérides et de l'immortalité. Son sang bicolore, résolution des contraires, reflète aussi le désaccord entre le cosmos et la terre, à la fois animal, aquatique et terrestre. Il n'en demeure pas moins souterrain et céleste, ayant pour appartement la galaxie entière et comme terrain de jeu le système solaire, l'égal du serpent tapis dans l'ombre. Le dragon sommeille en l'esprit qui est sa demeure. Le dragon, l'essence dans mon jargon, nage dans mon esprit comme un saumon dans un lagon. Quand l'hémisphère nord dort, il sort pour aller vers le sud-est. Des montagnes d'or aux abords, de minuit la lune ouvre ses yeux. Hors du corps, dans un toit, son octoire bleu. Fait face aux cieux, déploie ses ailes. Visite un royaume virtuel, bien réel. Les paysages défilent, ils s'arrêtent un temps pour contempler le monde des sommets du Liban. Existe-t-il, le reptile vit dans les airs? Cela demeure un mystère pour les esthétiques. Terre à terre, puis il réintègre son antre de cristal sur la fin du sommeil paradoxal. Tout éprouvé des combats qu'il a menés la nuit durant, qu'il a vaillamment remporté. Aucun sourire, attendre de mourir pour l'animal qui n'a plus nulle part où courir. Car le dragon sommeille en l'esprit qui est sa demeure. Le dragon estampe le blason de la personnalité négative. Le flacon prend de vitesse la lumière divine, crachant d'avance tous les feux de l'abîme. Armé des gros du désir et des griffes de la haine, cuirassé d'égoïsme et de pensées malsaines. Ils font son nous du fond des âges et transforment nos songes en cauchemars portés par les ailes du mensonge. Avec les hurlus se présentent à nous en conquérant. Héros de Lucifer hurlant, rugissant, soufflant de vanité et de prétention. Celui qui court sur les nuages n'a pas de bonnes intentions. Il se nourrit d'âme et se lave dans des bains de sang, et n'a pas connu la famine depuis le commencement. C'est lui qui fait que le crime paie bien souvent, mais ne fait pas de cadeau aux malins pour autant. La bête fabuleuse et abstraction de sentiments, en fait c'est de nous que cela dépend. Car le dragon sommeille en l'esprit qui est sa demeure. Le dragon, le stamp de blason de la personnalité positive, le flacon. L'extrait des extraits de nectar, des nectars de parfums, des parfums de menthe, des hectares, des hectares, des hectares de domaine cérébral cultivé par une soif de découverte colossale. Parfois il n'aspire qu'à être réveillé dans un esprit par l'excitation de son entité. Identité, densité trop longue à citer. Sauf si le dragon est étouffé pour l'éternité. Vide est le terme juste quand maître est une enveloppe sans lettre de. Dans un vase sans fleurs, une montre sans heure, une peine sans fleurs, un homme sans cœur. Et je prie pour que le gardien l'emporte sur les ténèbres. Les esprits sans dragon sont tristement célèbres, afin d'éviter que le logis devienne abandonné. Je ménage ma mysticité, car le dragon sommeille en l'esprit qui est sa demeure. Oh. Automani. La rentrée sur le beat, marquant les vibrations dans ma cage thoracique bougeant. Au rythme du rap qui guide mes pas et ma façon de vivre me mettant ainsi sur la voie réelle. Elle est marginale et parallèle, ma façon de vivre, mes pensées sont pour elle. Elle nourrit mon âme et jamais ne me blâme. Et si j'en abuse, eh bien que Dieu me garde. C'est évident, j'y consacre la moitié de mon temps. Essaye d'y toucher, je montre les dents. J'en suis le constructeur, mais ne peux vivre sans elle. J'entre en ébullition lorsque son nom j'épelle. Et c'est là qu'entre en scène ma possessivité, qu'un autre y attend, je le puis tolérer. Natif d'un pays lointain, elle fait son entrée dans ce monde qui est le mien. Change ma vie, s'imprègne de ma culture, elle restera dans mon esprit indéfiniment. C'est sûr, n'y touchez pas. Elle est à moi. De mois en mois, de jour en jour et d'heure en heure, ma passion prend de l'ampleur. Elle évolue sans cesse et c'est jusqu'à la perfection. Avec autant de connaissances que l'on tombe plus un de notre homme. Mais non, je ne lui passe pas la pommade et personne ne sait mieux que moi que ses faits sont vérifiables. Je garde son nom aux quatre coins de France. Le feu de la passion qui me met en transe intense. C'est pourquoi je crie tout à fait cessant. Je veux qu'un exécuteur au refrain de violence monte sur scène fière tel un tigre du Bengale. L'ensemble de puissants textes horribles sans égal. Non, t'es pas assez costaud pour te frotter à moi. T'as tout dans la dégaine, tu fais pas le poids. IAM en avant et toi tu restes quoi? Tu la vois dans ta tête comme en 87 fois. Et le chemin où tu t'engages là, quand l'heure du jour j'y enfin arrivera, n'y touche pas. Elle est à moi. On dit que je suis agressif, c'est un fait, je ne le nie pas. Grâce à ça pour un con, jamais on ne me prendra. C'est pas une solution, mais ça en fait partie. Et au club des bonnes points, je ne suis pas inscrit. Je suis dans avec le criminals et call oui. F-A-F-T-E-F-D-N-J-Z, cheer. Bob E-K et Wild, il faut s'y reconnu à la réputation établie. J'en suis le leader, le grand exécuteur. Celui par qui arrive au plus grand malheur. Le cerbère qui garde la porte donnant sur l'univers. Des gens de la rue qui vivent sans manière, disant ce qu'ils pensent, peu importe les conséquences. Et un faux point commun, leur modeste ascendance. Farouche défenseur de l'état d'esprit, bravant les flots de frayeur d'un peuple assujetti qui essaie d'attenter à celle qui régit ma vie. Je promets que l'acte ne sera pas impuni. N'y touchez pas, elle est à moi. Tu te pavoises, tu fais le mac, tu te dis crack. Ces attitudes ne font de toi qu'un new jack. Ton infatuation te met dans le même sac que ce que je hais et que je traque. Car pour elle, moi j'ai tout donné et j'ai supporté les tentatives d'influence souvent répétées. J'en suis accro, mais elle ne me nuit pas 20 fois par jour et pas de traces sur les bras. Je termine mon texte sur une promesse. Ne l'insulte jamais, n'utilise que la sagesse. Où inéluctablement viendront les représailles et des balles de 47 que déchireront les entrailles. Souviens-toi de ses paroles et ne t'avise pas de tenter de la détruire ou tu finiras froid. N'y touche pas. Elle est à moi.